Hors du langage, un territoire. Cinquième partie. Après de Ligny. Avec les chants, les bruits, les murmures, les bribes, les souffles de Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar. Avec les paroles de Gisèle Durand et Jacqueline, cheville ouvrière de la tentative de Monoblet. Chantal et Claude Berton, parents de Christophe. Henriette et Jean Toche, parents de Gilles et membres de ses amotismes. Fernand de Ligny, dans les films de Renaud Victor, ce gamin-là est à propos d'un film à faire. Et avec l'eau des Cévennes. Mais je pense que de chacun des gens qui ont vécu dans le réseau, ça leur a laissé des traces indélébiles. Ce serait bien que ça continue, hein, maintenant, à l'heure actuelle. Que va devenir ce lieu, quoi. C'est étonnant que ce qu'on a pu faire ait pu être toléré. Bon, c'était comme ça. Il y avait des drôles de gens qui vivaient avec des drôles de gamins dans des drôles de conditions. Mais bon, les Cévennes en avaient dû en voir d'autres. Hein. Et puis quand même, petit à petit, il y a eu toute cette période où il y a eu des lieux de vie, hein, qui se sont mis à pousser un peu, là, dans 70-80, dans toutes ces années-là. Et c'est vrai que ce que l'on faisait n'y était pas pour rien. Je ne dis pas qu'on est les seuls à voir, mais bon, beaucoup de gens se référaient, en partie, à ce qui se passait dans les Cévennes. Donc, quand ces lieux de vie ont commencé vraiment à prendre de l'ampleur, hein, parce qu'il n'y en a pas eu une période, il y en a eu quand même pas mal, hein, pas qu'ici, hein, dans d'autres endroits, hein, dans d'autres départements, dans d'autres régions. Mais les services sociaux des départements, ils ont commencé à dire à contrôler et à faire chier, quoi. Hein. Des règlements, on en trouve toujours, hein, pour dire ça vous pouvez pas, ça vous pouvez pas. Il y a toujours un règlement. Puis quand il y en a pas, on en fait. Hein, bon. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a continué à nous foutre la paix parce que on peut dire que quand même le renom de Ligny protégeait, quoi. Hein. Alors il y en a à qui on casser les pieds, on dirait oui, mais vous laissez faire de Ligny et nous vous nous emmerdez. Et c'est vrai que de Ligny, le renom de Ligny nous a protégés pendant quand même fort longtemps. Quand on est arrivé à Graniès, par exemple, Jean-Marie, donc il partait, lui, c'était toujours, il fallait qu'il aille fureter comme un petit animal sauvage là. Et alors, ce qu'il aimait bien, c'était repérer l'eau et les réseaux de l'eau. Et en plus, il se trouve qu'à Graniès, il y avait plein de petits canaux pour irriguer les prés. Et tout ça, évidemment, ça appartenait à un propriétaire. Et donc, deux ou trois fois comme ça, Jean-Marie, à un moment donné, il disparaît. Donc, je ne savais même pas où il était. Et Donc j'étais quand même inquiète aussi de le chercher. Mais bon, il avait eu le temps déjà en une heure ou deux de prospecter. Et donc il allait dans tous ses réseaux. Et un jour, il est revenu. Il y avait un chien qu'il avait mordu parce qu'il était allé dans la propriété du monsieur d'en face. Et puis après, il est venu nous voir. Et puis, on s'est fait engueuler, quoi. Et donc là, Deligny, il dit où il faut faire attention pour pas qu'on se fasse trop non plus remarquer et puis qu'on soit sommé de ne plus exister. Enfin, je veux dire, Donc, ça nous a appris à être. À faire ce qu'on avait à faire, mais discrètement, quoi. Hein. Donc au bout d'un moment, Jean-Marie, la mère à Jean-Marie avait demandé, comme elle savait qu'on n'avait pas un rond, on n'avait pas un sou, mais du tout, elle avait demandé l'allocation adulte handicapé. Bon, ok, mais pas à 18 ans, il avait déjà 30 ans, Jean-Marie. Bon. Donc ça, puis qu'elle nous a envoyé l'allocation adulte handicapé. Elle était dans un autre département, puis elle avait demandé l'aide à la tierce personne, ou je sais pas quoi, un truc, une autre aide sociale. Donc elle passa dans le département du Gard. Et puis, qu'est-ce qui nous traite un an après, nous arrive un inspecteur de la DAS, hein, c'est normal, hein. Enfin, des services sociaux, ils font leur boulot, c'est la société. Moi, quand je dis ça, moi, j'ai pas d'animosité. Ou on joue, ou on est dans le truc, ou on est en dehors, mais on... Et puis, bon, l'inspecteur de la DAS, enfin c'est pas la DAS, la DGD, je sais pas quoi, là, des trucs du département, il vient nous dire une première fois, hein, vous n'êtes pas en règle, vous touchez une aide à tierce personne, mais vous n'êtes pas... Une aide à tierce personne, elle est soit à une personne proche, quoi, des parents, donc bon, c'est la mère, en plus il faut qu'elle justifie qu'elle a arrêté son travail ou qu'elle ne travaille pas, tout ça, pour subvenir au quotidien de telle ou telle personne, de son enfant. Mais si c'est donc une autre personne que la mère, enfin, ou le parent, il faut quand même, au bout d'un moment, il faut être dans les règles, quoi. Il faut être agréé. Donc agréé au minimum, famille d'accueil. Bon. Et nous, on ne pensait pas du tout à être famille d'accueil, rien du tout. Ça ne nous venait même pas à l'idée, c'est pas qu'on était contre, ça ne nous était même pas venu à l'idée, surtout. Nous, ça faisait déjà 20 ans, 25 ans qu'on vivait avec Jean-Marie, il faisait partie de nous autres, on ne voit pas pourquoi on allait se faire agréer, je sais pas quoi. Alors il vient une première fois cet inspecteur, et puis il nous dit ah, vous n'êtes pas en règle, tout ça, vous n'êtes pas en règle. Bon, non, on va faire ce qu'il faut, enfin, on essaye un peu d'éluder, là. Il s'en va. Il revient l'année d'après, évidemment, il fait son boulot d'inspecteur, c'est normal. Là-bas. Non, vous n'êtes toujours pas. Ça va pas, ça. Pas. Alors bon, quand il commençait un peu à me gonfler quand même. Parce que bon, je sentais qu'il y avait une menace. Voilà des menaces que Deligny avait ressenties, mais dans le temps, dans d'autres tentatives. Hein. Voilà, c'est toujours ça, c'est l'institutionnalisation à la clé. Là. Et bon, à force de faire le con, on ne peut pas le faire non plus pas trop longtemps. Et on a reçu, 6 mois après, une sommation, un courrier, où on était sommé de régulariser notre situation. Sommé de régulariser notre situation. Et les peines, c'était 3 mois de prison. Là, je ne déconne pas. Hein, 3 mois de prison, où à l'époque, c'était 20 000 francs d'amende. Alors après avoir rouscaillé là pendant 2 mois, j'ai attendu la dernière limite pour aller voir le directeur des services sociaux du département. J'ai fait un peu le con aussi, ça m'aide un peu de temps en temps à faire le gugus. J'ai dit bon, écoutez, je viens, 20 000 francs d'amende, c'est pas possible. J'ai pas 120 000 francs à cette époque-là. Nous, quand on avait 1000 francs d'avance, c'était déjà une fortune. Je dis par contre, 3 mois de prison, je veux bien, mais qu'il y ait une petite place pour Jean-Marie avec moi, quoi, dans la cellule. Parce que je vois pas, j'ai pas envie de l'abandonner. Ça fait presque 30 ans qu'il est avec nous. Je vois pas vraiment, je sais pas où il pourrait aller, quoi. Alors évidemment, ah non, vous pourrez pas ça comme ça, c'est remarquable ce que vous faites. Ah, d'accord, c'est remarquable. Tiens, tiens. Alors il me parlait de famille d'accueil, mais oui, vous pourrez pas vous agréer pour famille d'accueil. Il me dit, oui, bon, mais je sais que famille d'accueil, je pouvais. D'abord, je pouvais pas, on en avait 3, et pour les familles d'accueil, il faut en accueillir que 2. Alors, comment on tourne à courte paille pour savoir lequel on ne prenait plus. Et j'ai ressorti, je reviens encore en arrière, quand le film Ce gamin-là est sorti. Simone Veil, ministre de la Santé de Giscard d'Estaing, elle avait envoyé son fils et qui était venu donc proposer, avait une espèce de une proposition qui était de faire structure d'accueil non traditionnelle et expérimentale. C'est bien, c'est un beau titre, ça. C'est ce qu'on est maintenant. Hein. Et évidemment, Deligny, non, tout va bien, on n'a besoin de rien, tu parles, ce grand seigneur. Il avait dit, mais par contre, on a besoin de matériel vidéo, parce que toujours on filmait, et c'est vrai que. Grâce au ministère de la Santé, à un moment, on était toujours pas de rond, on vivait un peu, pas comme des clodos, mais quand même, c'est toujours un peu juste. Mais on avait un matériel vidéo de pointe, on avait la paluche, ces caméras qu'on tient à la main, qui venaient juste de sortir. Donc, 20 ans plus tard, quand vraiment coincé, j'étais coincé, j'étais pas dans la même position que Deligny, ça faisait quand même 30 ans qu'on existait, on avait 3 gars avec nous, Deligny malade, un gamin, tout ça, je veux dire, c'est pas de sécurité sociale, pas de retraite, hein, lui non plus, il n'avait pas cotisé, on n'avait pas un rond, on n'avait que dalle. Donc j'ai proposé, je me suis rappelé de ce truc, du coup que j'avais proposé ça au directeur des services sociaux du département. Donc ça s'est mis en route. Et donc on est, ce qui est le moins pire qui aurait pu nous arriver, c'est on est structure d'accueil non traditionnelle et expérimentale. Il y a très très peu de lieux qui ont, d'établissements, si on peut dire même, qui ont ce statut-là en France. C'est assez rare, il y a même plein de départements qui ne savent même pas que ça existe, puisque... Quand on reçoit des adultes autistes qui donc dépendent d'autres départements, on a un prix de journée hein, quand même de fixer, qui est le plus bas du département d'ailleurs. Et quand ils nous demandent qu'est-ce que vous êtes, si je leur dis on est structure d'accueil, autre, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Oui, occupationnel, ils connaissent. Oui, occupationnel, ça, moi ça ne me dérange pas, moi, c'est pas, je ne me vexe pas. Moi. C'est rentré dans le cadre des établissements recevant des autistes et donc c'est un lieu de vie qui est accepté par l'administration. Et d'ailleurs, on se serait posé la question si ça n'avait pas été le cas. Parce que, bon, il y avait des gens, Jacques Collin et sa compagne, en particulier, sont des gens de grande valeur qu'on estime énormément, mais ils ne sont pas éternels, comme tout le monde. Hein. Et donc, laisser Gilles dans ce cadre qui existait il y a 15-20 ans, on ne l'aurait pas fait parce que, par contre, on trouvait qu'il était très bien là-bas. Et bien que je m'occupe de ces amotismes, on n'a jamais mis dans les établissements de ces amotismes. Donc mon souci, puisque c'était là-dessus, je redémarrais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que va devenir ce lieu, quoi. Parce qu'en fait, pas de lignée, machin, tout ça, moi ça, je m'en fous, moi, les drapeaux et les cocardes et les pancartes, ça m'est complètement égal. C'est les gars qu'on accueille, hein, d'abord les gars qu'on accueille, donc on accueille quand même 5 personnes en permanence, hein. Moi, maintenant, du coup, quand même, je commence à être un peu vieux, j'ai quand même 61 ans. Et l'agrément, notre agrément, il est nominatif, c'est Gisèle et moi. C'est-à-dire que demain, je trouve, ce qui est quand même pas si facile que ça, je ne sais pas si vraiment à notre époque ça se trouvait, parce que je trouve une ou deux personnes qui veulent exactement reprendre ce qu'on fait dans les mêmes conditions, c'est pas accepté, quoi. C'est... En plus, les quatre qui viennent à mi-temps aussi, les unes et les autres, elles n'ont pas de diplôme. C'est aussi exceptionnel. Je veux dire, ce matin, les établissements où les gens n'ont pas de diplôme, c'est pas vraiment. Mais structure d'accueil non traditionnelle expérimentale le permet, quoi. Hein, permet ça. Quoi. Nous, on a été agréés aussi. Je pense que si maintenant des structures non traditionnelles expérimentales, si des gens voulaient à tout prix faire ça, il faudrait quand même qu'il y ait des diplômés. Nous, nos diplômes, c'était nos 30 ans à l'époque, ou nos 25 ans, 28 ans d'expérience, quoi. Hein, avec de l'INI, c'est ça qui a compté. Hein. Jacques et Gisèle, le problème, c'est que s'ils s'arrêtent, il faudrait qu'on sache que des lieux comme ça existent. Il faudrait que des gens aient le courage de vivre autrement qu'en institution ou d'enseigner autrement que comme dans les institutions et qu'on puisse avoir la possibilité de créer ce ne sont pas des familles d'accueil, des lieux où il y a très peu d'enfants et où on vit comme dans une famille, comme dans une, on va dire, une ferme, où on ne vit pas pour, parce qu'il est obligatoire de faire des choses, où on vit parce que les uns et les autres ont le goût de faire et que la vie normale, entre guillemets, c'est la bonne, mais que ça demande un travail. Voilà, il faudrait qu'il y ait autre chose que les institutions, mais je ne pense pas que dans la politique actuelle, ce soit... Il y a certaines réactions qui consiste à pousser le dressage, enfin, quelque sorte, oui, vous voyez, d'obtenir à tout prix des gens conformes à un minimum de civilité. Oui, c'est ça. Extérieurement, du moins, quoi. Il y a une limite, hein, bien sûr. Oh, bah, bien mais, sûr. Bon, c'est quand même pas la même philosophie, voilà. Hein, c'est... Oui, oui. qui m'emmerde le plus, c'est la semblabilisation à tout prix, quoi. On est quand même une société, et une société, c'est même pas une société, c'est l'homme. Il est comme ça, l'homme. Hein. Dès que l'autre, il est différent. D'autres, petit à petit, je ne veux pas dire qu'on accepte la différence des autres. Hein. Loin de là, c'est pas encore gagné. Petit à petit, quand même. Hein. Petit à petit. Avec l'homosexuel, on arrive encore. Hein. Il y a quand même un peu plus de gens qui supportent. Hein. Il est noir, il y a un petit peu plus de gens qui supportent. Hein. Mais quelqu'un qui parle pas, c'est dur. Hein. Là, les gens ont du mal. Là, ils prennent ça. On dirait presque qu'ils se sentent mis en cause de suite. Quoi. L'autre, il répond pas. Que le lieu devienne un peu autre chose, ça, je m'en doute bien. C'est pas, je vais pas dire que je m'en fous, c'est pas vraiment que je m'en fous, mais c'est pas le plus important. Ben, je voudrais pas non plus que ça devienne une usine à autistes. Mais... Alors, de temps en temps, on se voit avec un autre. Il y a un autre lieu, je vais pas dire, si, un peu semblable à ici, puisque un des gars qui mène ce lieu, là, ils sont à deux, trois à mener ce lieu, et donc. Il y en a un qui s'appelle Thierry et qui, lui, a vécu avec nous il y a 25-30 ans pendant des années. Puis bon, il a eu son parcours, il a fait famille d'accueil, il a travaillé en institution, il a fait autre chose. Puis il s'est mis à faire un lieu, de ce qu'on appelle les lieux de vie maintenant. Parce que les lieux de vie, pendant longtemps, les lieux de vie n'avaient pas de statut. Puis là, ils ont un statut. On se demande toujours si, des fois, c'est pas mieux quand il n'y a pas de statut. Mais bon, ça c'est la vie, puis c'est pas simple non plus, hein. Donc lui, il a le statut de lieu de vie, pas loin d'ici, hein, quelques kilomètres d'ici. C'est un petit lieu où ils ont 6 ou 7 personnes adultes handicapées, là, dont certains sont autistes. Alors peut-être en faisant une fusion, enfin je sais pas quoi. En même temps, il faut que les services sociaux soient... On n'est pas seul à décider, quoi, hein, c'est ça. Aussi il y a le problème du passage des 60 ans, c'est-à-dire que dans une vie normale, la retraite c'est 60 ans, enfin on dit 60, et après on est retraité, mais pour les handicapés, actuellement, le passage des 60 ans fait qu'on n'est plus handicapé après 60 ans. Pour l'administration, quand vous arrivez à 60 ans, ben vous êtes retraité maintenant. Donc vous n'êtes plus handicapé. Et ça pose un problème parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, à 60 ans, se retrouvent en maison de retraite, ayant été handicapées avant, et d'un seul coup, se retrouvent en maison de retraite comme tous les retraités ou d'autres retraités. Ça pose un problème. Alors, c'est pas le problème. Le problème est énorme. Ah oui, le problème, c'est pas réglé, ça. Alors, pour l'instant, on attend. Il y a un autre problème qui se pose aussi pour Christophe et pour les autres, c'est que les parents vieillissent, l'handicapé vieillit lui aussi, mais avec un décalage de 20 ans. Alors nous, on arrive à 70 balais, Christophe en a 45. Oui, il est plus actif et plus énergique. Donc il est en pleine activité, nous on est un peu dépassé, on ne peut pas arriver à faire comme il veut. Au début, c'était des enfants, mais bon, maintenant, c'est des adultes. Et même, on commence à l'association à réfléchir aux problèmes pour les personnes autistes âgées. Nous avons 82-83 ans, donc nous avons 3 autres enfants. Et d'ailleurs, une fille qui a 3 ans de plus que Gilles, qui sera son tuteur après ma disparition. Je dis que, au fond, on aurait préféré que Gilles le soit autrement, mais que ça nous a appris énormément, on relativise énormément. Après, c'est vrai, hein, on réfléchit sur la vie, sur l'être humain, sur les relations entre les gens. Voilà. c'est une contradiction, hein. Jean-Marie était pour la libération des eaux. Il faut que l'eau, elle coule. Hein, bon, c'est une manière de dire. Hein, mais dès qu'il y a un robinet, il fallait qu'il ouvre, voir si ça coulait, tout ça. C'est l'eau qui coule. Et il pouvait passer des heures et des heures devant un filet d'eau qui, moi, j'ai vu s'extasier, sauter au plafond, rigoler, parce qu'il y avait une vieille canalisation en terre par laquelle, à certains moments de l'année, arrivait de l'eau, puis à d'autres moments, ça s'asséchait, sauf qu'il y avait un tout petit peu d'eau qui sourdait, et on voit bien, il y a un tuyau en terre, il y a l'eau qui commence à arriver, qui commence à former une goutte, mais ça prend du temps hein, pour que la goutte se fasse au bout de la canalisation en terre, et d'un seul coup, la goutte trop lourde pour rester sur le tuyau en terre tombe par terre, et ça fait plouf. Et alors là, c'est l'éclat de joie de Jean-Marie par cette goutte qui tombe et qui tape des mains, qui rigole, qui danse, et puis qui vite va se remettre sous le tuyau pour attendre la prochaine, quoi. Et le voilà parti pour faire. Mais dans un monde où règne le langage, aura-t-il jamais la liberté? Reste à savoir si nous l'avons, nous, libre du verbe. Et aller savoir ce qu'il entend, quelles voix qui n'en sont pas, et qui parlent du temps où l'être humain n'était ni l'un ni l'autre discriminé par le langage. Merci à Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar, à Gisèle Durand et Jacqueline, à Chantal et Claude Berton, à Henriette et Jean Toche. Merci aux salariés actuels de la structure de Monoblet, Odile Durand, Marie-Lise Olivier, Laurie Benoît et Paul Espada. Merci au film d'ici et à Cyril Victor pour l'utilisation des extraits des films de Renaud Victor, Ce gamin-là, et Fernand Deligny à propos d'un film à faire. Merci à la SCAM pour son soutien à ce travail. Un documentaire en 5 parties de Juliette Volclair. Archives sonores et documentation